sans nom de William Wilkie Collins, dans la traduction de Émile de Renforgue. Scène première, Cambraven, Somersetshire. Chapitre premier. Les aiguilles de l'horloge murale du vestibule marquaient 6h30 du matin. La maison était une riche demeure de campagne dans l'ouest du comté de Somerset. On l'appelait Cambraven. Fixons l'époque, le 4 mars de l'année 1846. Aucun bruit, sauf l'éternel tic-tac de l'horloge et les ronflements sonores d'un gros chien étendu sur une natte au seuil de la salle à manger, ne troublaient le calme mystérieux qui régnait ce matin-là dans ce vestibule et sur l'escalier dont on voyait les dernières marches. Quel dormeur était caché dans les étages supérieurs? Laissons la maison elle-même nous révéler ses secrets. À mesure que, quittant leur lit, ils descendront l'escalier, les dormeurs se présenteront eux-mêmes. Au moment où l'horloge marquait 7h15, le chien s'éveilla et se secoua bruyamment. Après avoir vainement attendu le valet de pied qui d'ordinaire le lâchait dans la cour, l'animal se mit à vaguer avec inquiétude de l'une à l'autre des portes closes sur le vestibule, et revenant à sa natte avec une évidente perplexité, il poussa un long et triste hurlement, sorte de reproche adressé à la famille encore endormie. Avant que les dernières notes de cette remontrance canine eussent cessé de vibrer, les marches de chêne situées dans les plus hautes régions du bâtiment craquèrent sous les pas de quelqu'un qui descendait lentement. La minute d'après, on vit apparaître la première des domestiques, les épaules chaudement abritées sous un châle de laine. Cette matinée de mars était glaciale et la cuisinière et les rhumatismes étaient de vieilles connaissances. Ne faisant d'abord aux cordiales avances du chien qu'un accueil fort peu gracieux, la cuisinière ouvrit lentement la porte du vestibule et fit sortir l'animal. La matinée avait un aspect revêche. Sur un gazon spacieux et derrière une noire plantation de sapins, le soleil frayait sa route ascendante parmi des masses de nuages grisâtres et comme déchirés. De grosses gouttes de pluie tombaient pesamment à longs intervalles, et les arbres humides pliaient lourdement sous l'effort de la brise de mars. 7 heures sonnèrent. Les signes de la vie intérieure commencèrent à se manifester de plus en plus rapides. La fille de service descendit, grande et mince, portant écrit en rouge sur le bout de son nez le degré de la température printanière. La femme de chambre vint après, jeune, replète mais élégante, encore endormie. La fille de cuisine parut ensuite, affligée d'une névralgie faciale et ne dissimulant guère sa douleur. Le dernier de tous arriva le valet de pied, bâillant à se décrocher la mâchoire, vivant portrait d'un homme qui se sent indûment privé du sommeil auquel il a droit. La conversation des domestiques, quand ils se groupèrent devant le feu de la cuisine lentement allumé, roula sur un événement de fraîche date survenu dans la famille et porta dès le début sur cette question. Thomas, le valet de pied, avait-il vu quelque chose du concert donné à Clifton, auquel, la veille au soir, avait assisté son maître et les deux jeunes demoiselles? Oui, Thomas avait entendu le concert. On lui avait payé sa place au stall du fond. Il y avait eu beaucoup de bruit, il faisait très chaud. Les affiches avaient annoncé un grand concert, mais franchir 16 000 en chemin de fer pour aller l'entendre, et 19 000 en voiture à 1h30 du matin après l'avoir entendu, était une corvée sur l'utilité de laquelle Thomas avait quelques doutes. Son maître et les jeunes dames en décideraient à leur guise. Quant à lui, toute réflexion faite, il se prononcerait sans hésiter pour la négative. Les domestiques eurent beau tenter de poursuivre leurs investigations, aucune n'obtint de résultats satisfaisants. Thomas ne put ni fredonner aucune des chansons, ni décrire aucune des toilettes. Son auditoire, en conséquence, l'abandonna en désespoir de cause, et le bavardage de cuisine rentra dans son cours ordinaire, jusqu'à ce que l'horloge sonna 8 heures et dispersa subitement les domestiques partant vaquer à leurs tâches matinales. 8h15 sonnèrent. Rien ne se passa. 8h30. Dans la région des chambres à coucher se manifestèrent quelques symptômes de vie. Un nouveau membre de la maisonnée descendit l'escalier. Il s'agissait de Mr. Andrew Vanstone, le maître des lieux. Grand, fort, se tenant droit, ses yeux bleus pleins de lumière, son teint fleuri débordant de santé, sa jaquette de chasse à longs poils négligemment boutonnée de travers, son petit terrier d'Écosse aux allures perverses aboyant sur ses talons sans recevoir la moindre réprimande, une main plongée dans la poche de son gilet, l'autre battant gaiement la mesure sur la rampe de l'escalier, tandis qu'il descendait en fredonnant un désert de la veille, Mr. Vanstone laissait lire sur toute sa personne, sans la moindre réserve et à tout venant, le caractère dont la nature l'avait doté. Humeur facile, cœur bienveillant, ce bel et bon gentleman marchait au soleil de la vie, ne demandant à l'évidence rien de mieux que de rencontrer, également au soleil, tous les hommes appelés à vivre en même temps que lui. À ne compter que les années, il avait un demi-siècle et un peu plus. À le juger d'après la légèreté de son cœur, la force de sa constitution et son aptitude à jouir de tout, il n'était guère plus vieux que la plupart de ceux qui ne portent que le fardeau de leurs 30 ans. « Thomas !» cria Mr. Vanstone en prenant sur la table du vestibule son vieux chapeau de feutre et le gros bâton qu'il emportait à la promenade. « On déjeune ce matin à 10 heures. Après le concert d'hier au soir, nos jeunes dames ne se lèveront guère plus tôt. À propos, comment avez-vous trouvé ce concert, vous ? Grand, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez raison. Des bangs et des crashs, interrompus de quelques crash-bangs pour varier. Et toutes les femmes serrées à étouffer. Une chaleur accablante, le gaz qui vous aveuglait. De la place pour personne. Oui, oui, Thomas, grand est bien le mot. Et quel confort avec cela ! Ayant ainsi exprimé son opinion, Mr. Vanstone siffla son malicieux terrier et, brandissant son bâton sur le seuil du vestibule comme pour jeter à la pluie un défi joyeux, il commença contre vents et marées sa promenade matinale. Les aiguilles, poursuivant sans bruit leur route constante autour du cadran, marquèrent 9h-10 minutes. Un autre membre de la maisonnée se montra dans l'escalier. C'était Miss Garth, la gouvernante. Aucun observateur, tant soit peu subtil, n'aurait examiné Miss Garth sans percevoir immédiatement qu'elle était une femme du Nord. Les traits de son visage fortement accusés, la promptitude masculine de ses gestes, l'honnêteté obstinée de sa physionomie et de son attitude, tout attestait qu'elle était née, qu'elle avait reçu sa première éducation sur la frontière anglo-écossaise. Bien qu'elle eût à peine dépassé la quarantaine, ses cheveux étaient tout à fait gris, et elle les abritait sous un sévère bonnet de vieille femme. Ni ses cheveux ni sa coiffure ne juraient avec son visage, lui aussi marqué par les années. Nul doute que le destin l'avait vieilli prématurément par quelque malheur. L'aisance de sa démarche et l'habitude d'autorité empreinte dans les regards qu'elle jetait autour d'elle portaient témoignage de la position qui lui était faite dans la famille Vanstone. Elle n'appartenait pas, évidemment, à cette classe de gouvernantes tristes, persécutées, serviles jusqu'à en être pitoyables. Non, c'était une femme vivant en bons et honorables termes avec ses employeurs. Une femme capable d'envoyer promener, et très loin, les parents, quels qu'ils fussent, assez mal avisés pour ne pas l'apprécier à sa juste valeur. « Le déjeuner pour 10 heures, » répéta Miss Garth, lorsque le valet de pied, obéissant à la sonnette, fut venu lui répéter les ordres qu'il avait reçus de son maître. « Ah, je devinais bien ce qu'amènerait ce concert d'hier au soir. Lorsque les gens qui vivent à la campagne se piquent de subventionner des divertissements, ces divertissements, aimables remerciements, bouleversent ensuite la vie de famille plusieurs jours de suite. Vous, par exemple, Thomas, vous êtes bouleversé, je m'en aperçois bien. Vos yeux sont rouges comme ceux d'un furet. Et on dirait que vous avez gardé votre cravate en vous mettant au lit. Apportez la bouilloire à 10h-15. Et si vous n'êtes pas mieux dans le cours de la journée, venez me trouver. Je vous donnerai une médecine. » Voilà un garçon capable si on le laisse à sa routine, continua Miss Garth, lorsque le départ de Thomas l'eut réduit au monologue. Mais il n'est pas assez fort pour des concerts à 20 000 d'ici. Dire qu'il voulait m'emmener aussi. Ah oui, qu'on m'y prenne. 9 heures sonnèrent, et l'aiguille parcourut encore 20 minutes avant qu'on entendît d'autres pas dans l'escalier. Ce temps expiré, 2 dames parurent, Mrs. Vanstone et sa fille aînée. Si Mrs. Vanstone n'avait jamais eu d'autres attraits que cette fraîcheur de teint, qui est si essentiellement l'apanage des femmes anglaises, elle avait, et depuis longtemps, perdu les derniers restes de cette éphémère beauté. Mais, bien qu'elle fût maintenant dans sa 44e année, bien qu'éprouvée jadis par la perte prématurée de plusieurs de ses enfants, et bien que de longues maladies eussent suivi ces déchirements douloureux, Elle conservait l'élégance de galbe et la subtile délicatesse de trait, autrefois unies chez elle à l'éclat, à la splendeur de cette jeunesse qui maintenant l'avait à tout jamais quittée. L'aînée de ses filles, celle qui descendait les marches à côté d'elle, était comme le miroir où elle eût pu contempler son printemps évanoui. Sur la tête de la fille, on retrouvait en torsades épaisses les épais cheveux bruns qui, sur celle de la mère, prenaient rapidement une teinte grisonnante. Sur les joues de la fille brillaient ces rougeurs charmantes, maintenant effacées des joues maternelles pour ne jamais refleurir. Miss Vanstone était déjà parvenue à cet âge où la femme atteint sa première maturité. Elle venait de terminer sa 26e année. La majesté qui caractérisait autrefois la beauté de sa mère, elle en avait hérité, mais non de tout ce que cette beauté avait de conciliant et d'attrayant. Bien que le galbe de son visage fût le même, les traits n'avaient pas la même finesse et ne s'unissaient pas en des proportions aussi exactes. Elle n'était pas non plus aussi grande. Elle avait les yeux brun foncés de sa mère, grands et doux, avec cet éclat constant que ne conservaient point ceux de Mrs. Vanstone, mais dans leur expression ne se retrouvait pas le même attrait, la même finesse, la même profondeur de sentiment. Cette expression était douce et féminine, comme voilée d'une sorte de tranquille réserve qui n'avait jamais obscurci le visage maternel. Si nous osions y regarder d'assez près, ne pourrions-nous pas remarquer que la force de caractère et les plus hautes capacités intellectuelles transmises par leurs parents semblent souvent s'affaiblir et s'atténuer chez les enfants en vertu de quelque cause inconnue. En ce temps d'épuisement nerveux que propage mystérieusement une contagion subtile, ne serait-il pas possible d'appliquer le même principe, et plus fréquemment que nous ne sommes tentés de l'admettre, aux qualités physiques? La mère et la fille descendaient lentement. La première, en costume refoncé, un châle de cachemire négligemment jeté sur ses épaules. La seconde, plus simplement vêtue de noir, avec un col et des manchettes unies, et un nœud de ruban orange sur le devant de son corsage. Tandis qu'elle traversait le vestibule et entrait dans la salle à manger, Miss Vanstone était encore tout absorbée dans le souvenir du concert de la veille. « Je suis vraiment fâchée, maman, que vous n'ayez pas été avec nous, » dit-elle. « Depuis l'été dernier, vous avez toujours été si forte et si bien portante. Vous vous êtes trouvée si rajeunie, ce sont vos propres paroles, que j'en suis sûre cette petite sortie ne vous eût point fatiguée. » « Peut-être bien, cher enfant, mais il était plus sûr de ne rien aventurer. »« Sans aucun doute, » remarqua Miss Garth, qui se montra sur le seuil de la porte. « Regardez plutôt Nora. »« Bonjour, bonjour, ma chère petite. Regardez Nora, vous dis-je. Une vraie morte. Un témoignage ambulant de la sagesse dont vous et moi nous avons fait preuve en demeurant au logis. »« Ce gaz vénéneux, cet air vicié, cette veille prolongée, qu'en peut-on attendre ?» Elle n'est pas de fer, n'est-ce pas? Aussi la voilà toute souffrante. Oh, ma chère, inutile de s'en défendre, je vois bien que vous avez la migraine. » La jolie figure brune de Miss Nora s'éclaira d'un sourire passager et tout aussitôt reprit sa réserve accoutumée. À peine un léger mal de tête, rien qui puisse me faire regretter d'être allée au concert, dit-elle en s'allant accoudée à une fenêtre. Par-delà les haies d'un potager et les murailles basses d'un enclos à daims, le regard embrassait un cours d'eau, quelques bâtiments de ferme situés sur les bords, et l'entrée béante d'une gorge boisée ouverte entre des rochers, dans le comté de Somerset, ceci s'appelle une combe, et circulant ensuite à travers les hauteurs qui bornaient l'horizon. Parmi les ondulations presque insensibles des champs, on voyait à petite distance une échappée de route aux sinueux détours, et sur cette route se reconnaissait la haute taille de Mr. Vanstone, qui regagnait à grands pas la maison, sa promenade matinale achevée. Remarquant sa fille aînée au balcon, il la salua gaiement d'un moulinet de canne. Elle lui répondit par un mouvement de tête et un geste de main parfaitement avenant et gracieux d'ailleurs, mais empreint d'un formalisme vieillot, très étrange chez une si jeune personne, et qui s'accordait peu avec l'idée qu'on se fait d'une fille en voyant son père un salut familier. L'horloge du vestibule sonna l'heure du déjeuner retardé. 5 minutes plus tard, dans la région des chambres à coucher, on entendit se fermer bruyamment une porte. Une voix jeune livra aux échos de l'escalier une impétueuse roulade. Des pieds légers et rapides effleuraient les degrés du second étage, frappèrent le premier palier d'un bond sonore et plus prompt que jamais, reprenant leur course, franchirent les marches inférieures. Un moment après, la plus jeune des deux filles de Mr. Vanstone, les deux seuls enfants que le ciel l'eût laissés, se détacha, comme un éclair, sur le sombre escalier de chêne. Après avoir du même élan franchi les trois dernières marches, elle vint essoufflée, compléter autour de la table à thé le cercle de famille. Par un de ces caprices étranges auxquels la nature se complaît et que la science laisse encore inexpliquer, la plus jeune des enfants de Mr. Vanstone n'offrait aucun trait de ressemblance avec l'un ou l'autre des parents qui lui avaient donné le jour. D'où lui venait sa chevelure? D'où lui venaient ses yeux? Son père et sa mère eux-mêmes, la regardant grandir, n'avaient pas manqué de se poser ces questions sans pouvoir y apporter l'ombre d'un début de réponse. Ses cheveux étaient de ce châtain franchement clair et doré, sans mélange de nuances rouges, jaunes ou couleur de chanvre, que l'on trouve fréquemment sur le plumage des oiseaux, presque jamais sur une tête d'homme ou de femme. Abondant et doux au toucher, il tombait en rouleau luxuriant de son front un peu bas. Mais au goût de certaines gens, il manquait d'éclat et de variété, aucun reflet ne venant rehausser leur teinte parfaitement pure. Ses sourcils et ses cils étaient à peine plus foncés que ses cheveux, et semblaient avoir été mis là pour assortir de beaux yeux d'un bleu violet, de cette nuance irrésistible quand elle se marie à l'éclat d'un teint de blonde. Mais c'était ici que les promesses de ce jeune visage étaient démenties de la façon la plus surprenante. Les yeux, que l'on attendait foncés, étaient de manière tout à fait incompréhensible et discordante, clairs. Ils étaient de ce gris presque incolore, qui, peu attrayant par lui-même, a du moins, par compensation, le mérite d'une subtile transparence, et permet au regard d'exprimer la pensée dans ses gradations les plus fines, le sentiment dans ses moindres modifications, la passion dans son trouble le plus poignant, faculté que ne possèdent jamais au même degré les yeux d'une nuance plus marquée. Ainsi, la partie supérieure de son visage étrangement vouée à la contradiction, la jeune fille contredisait encore, par le bas de sa physionomie, l'idée que l'on se fait généralement de l'harmonie. Ses lèvres avaient une délicatesse de forme vraiment féminine. Ses joues, les contours arrondis et lisses qui sont l'apanage de la jeunesse. Mais la bouche était trop accentuée, trop ferme. Le menton trop anguleux et trop massif pour son sexe et pour son âge. Son teint participait de cette monotonie de nuances qui caractérisait sa chevelure. Il était uniformément d'une blancheur crémeuse, douce et chaude au regard, sans la moindre animation sur les joues, sinon par suite de quelque effort inaccoutumé ou de quelque trouble soudain survenu dans les pensées de la jeune fille. Tout cet ensemble, si remarquable par les contrastes qu'il offrait, était rendu plus frappant encore par son extrême mobilité. Presque jamais ne demeuraient en repos ses grands yeux gris clairs aux lueurs électriques. Toutes sortes d'expressions se succédaient sur son visage avec une étourdissante rapidité, qui laissait bien loin derrière elle l'analyse lente et réfléchie. L'exubérante vitalité de la belle enfant se manifestait en toute sa personne, de la tête aux pieds. Sa taille, plus élevée que celle de sa sœur, plus élevée que celle du commun des femmes, douée d'une telle souplesse et d'une grâce telle qu'on ne pouvait en suivre les mouvements, sans se rappeler les allures d'un jeune chat, sa taille était déjà si parfaitement développée que personne, en la voyant, n'aurait supposé qu'elle avait 18 ans à peine. Elle s'épanouissait naturellement, irrésistiblement, de par sa force et sa santé, tous deux incomparables, dans la pleine maturité physique qui d'ordinaire exige 20 années au moins. Et c'était là, au vrai, le maître ressort de cette constitution peu ordinaire. Sa course aveugle et agile sur les escaliers du logis, l'activité, la promptitude de tous ses mouvements, l'incessant pétillement d'expression qui se dégageait de son visage rayonnant, sa gaieté communicative qui prenait d'assaut autour d'elle les âmes les plus tranquilles, et jusqu'à ce goût effréné de couleurs brillantes qui se manifestait dans l'étoffe à larges raies de son vêtement du matin, dans les rubans bariolés qui flottaient autour d'elle, dans les grandes rosettes rouges qui décoraient ses coquets petits souliers, tout cela jaillissait de la même source, de cette santé surabondante qui communiquait sa force à chaque muscle, sa trempe à chaque nerf, et précipitait dans ses veines un sang jeune et chaud comme celui de l'enfant en voie de croissance. À son entrée dans la salle à manger, elle fut saluée par le concert de remontrances que lui valait habituellement son mépris étourdi de toute ponctualité. Les autorités domestiques ne pouvaient s'y faire, et Miss Garth formulait leur ressentiment dans une phrase qu'elle répétait à tout propos, à savoir que Magdalene était née avec tous les sens possibles, excepté celui de l'ordre. Magdalene. Étrange idée de lui donner un tel prénom. Étrange, disons-nous, et pourtant le choix de ce nom était dû à des circonstances très ordinaires. Une sœur de Mr. Vanstone, morte dans sa première jeunesse, s'était nommée ainsi. Et c'était en souvenir d'elle qu'il avait voulu faire porter ce nom à sa seconde fille, de même qu'il avait appelé sa fille aînée Nora, parce que c'était le prénom de Mrs. Vanstone. Magdalene, à coup sûr, ce vieux nom grandiose tiré de la Bible, plein de tristes et sombres suggestions, n'évoquant dans sa plus ancienne incarnation que la pénitence et l'isolement, se trouvait ici, et par le tour que les événements avaient pris, fort mal à propos des parties. À coup sûr, cette jeune fille, toute pétrie de contraste, en avait sournoisement fourni un de plus en manifestant un caractère sans aucun rapport possible avec le nom que le baptême chrétien lui avait donné. « Encore en retard, » dit Mrs. Vanstone, tandis que Magdalene l'accablait de baisers haletants. « Encore en retard, » carillonna Miss Garth, quand Magdalene ensuite passa près d'elle. « Eh bien, » continua-t-elle, prenant familièrement dans sa main le menton de la jeune fille, avec une attention à demi moqueuse, à demi tendre, où se voyait clairement que cette cadette, avec tous ses défauts, était encore la favorite de la gouvernante. « Eh bien, qu'avez-vous rapporté du concert, vous ? Quelle souffrance vous alléguez pour aujourd'hui cette soirée de dissipation ?»« De la souffrance ?» répéta Magdalene, retrouvant sa respiration et avec elle l'usage de sa langue agile. « Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Si je pêche, c'est par excès de santé. »« De la souffrance. Je suis toute prête à retourner ce soir au concert, à danser demain, et à jouer la comédie le jour d'après. »« Oh !» s'écria-t-elle ensuite, se laissant tomber sur une chaise, et croisant ses mains sur la table. « Comme j'aime m'amuser. »« Allons, voilà au moins qui est clair, » dit Miss Garth. « J'imagine que Pope songeait à vous quand il écrivit ces fameux vers. » « Men some to business, some to pleasure take, but every woman is it hard to rake. » Au travail, au plaisir, s'adonnant par caprice, l'homme sainte sa vie et sait changer d'objet, mais la femme est toujours un franc mauvais sujet. « Diable de femme !» s'écria Mr. Vanstone qui entrait dans la salle, suivi de son chien au moment où Miss Garth terminait sa citation. « Eh bien, on en apprend tous les jours. » « Mais si vous êtes toutes des mauvais sujets, Miss Garth, voilà les sexes sens dessus-dessous pour de bon, et les hommes n'auront plus désormais qu'à rester au logis pour y tricoter des chaussettes. »« À table, voulez-vous ?»« Comment allez-vous, papa ?» dit Magdalene, prenant Mr. Vanstone par le cou, comme s'il eût appartenu à l'espèce des terres neuves et comme si le ciel l'eût fait tout exprès pour servir de jouet à sa fille. « Le mauvais sujet dont parle Miss Garth, c'est moi, ne vous en déplaise. » Il me faut un autre concert, ou du théâtre, si vous l'aimez mieux, ou un bal, si vous préférez. N'importe quel autre amusement qui me fasse mettre une robe neuve, me jette dans une foule, m'illumine et me donne dans tout le corps des frissons d'excitation. N'importe quoi, pourvu qu'on ne nous envoie pas dans notre lit à 11 heures sonnantes. Mr. Vanstone s'était paisiblement assis, pendant que sa fille donnait cours à ce débordement de paroles, comme un homme accoutumé à cette sorte d'inondation. « Oh ! » s'écria-t-il, « si la prochaine fois on me donne le choix des plaisirs, une comédie, j'imagine, me conviendra mieux qu'un concert. »« Vos enfants se sont étonnamment amusés, ma chère, » continua-t-il en s'adressant à sa femme, « et bien plus que moi, j'ose le dire. C'était au-delà de mes capacités. Un seul des morceaux qu'ils ont joué a duré 40 minutes, montre en main. Ils se sont arrêtés à 3 reprises, et chaque fois nous pensions tous que c'était fini. » Nous applaudissions, tout heureux, de notre délivrance, mais c'était reparti. À notre grande mortification, le morceau recommençait si bien que nous désespérions d'en jamais sortir, et que nous aurions donné cher pour nous trouver nous-mêmes à Jéricho. Nora, mon enfant, ce morceau de 40 minutes, coupé de 3 haltes, comment l'appelez-vous, s'il vous plaît ? Une symphonie, père, répondit Nora. Oui, Vieux Philistin chéri, une symphonie et du grand Beethoven, ajouta Magdalène. Comment pouvez-vous nous dire que vous ne vous êtes pas amusé? Avez-vous donc oublié cette étrangère au teint jaune et dont le nom est impossible à prononcer? Ne vous rappelez-vous pas les grimaces dont elle accompagnait son chant et ses révérences suivies d'autres révérences jusqu'à ce qu'elle eût induit ses imbéciles auditeurs à bisser sa cavatine? Regardez, maman. Regardez, Miss Garth. Elle prit à ces mots sur la table une assiette vide, qui tant bien que mal représentait une partition, et se mit à singer l'infortunée chanteuse, ses roulements d'yeux, ses révérences au public, si exactement et d'une façon si originale que son père éclata de rire. Le valet de pied lui-même, qui entrait à ce moment, apportant le sac aux lettres, se précipita hors de la salle et, manquant à tous les usages, fit écho à son maître ce que nul ne manqua d'entendre de l'autre côté de la porte. « Les lettres, père, donnez-moi la clé du sac, » dit Magdalène, passant brusquement d'une idée à l'autre, avec cette vivacité qui la caractérisait. Mr. Vanstone fouilla ses poches et secoua la tête. Si sa fille cadette ne lui ressemblait en rien d'autre, on devinait aisément de qui elle tenait ses habitudes rebelles à toute méthode. « Je dois l'avoir laissée dans la bibliothèque avec mes autres clés, » dit Mr. Vanstone. « Allez donc voir, cher enfant. » En vérité, « vous devriez tenir un peu Magdalène, » dit Mrs. Vanstone en s'adressant à son mari, dès que leur fille eut quitté la salle à manger. « Elle prend de plus en plus l'habitude de ces imitations stupides, et le ton léger qu'elle garde en vous parlant n'est réellement plus supportable. »« C'est exactement ce que j'ai dit et redit moi-même, jusqu'à m'en lasser, » fit remarquer Miss Garth. « Elle traite Mr. Vanstone comme s'il était son frère cadet. » Vous êtes toujours bon pour nous, père, et c'est par bonté, n'est-il pas vrai, que vous tolérez les étourderies de Magdalène ? Ainsi s'exprima la paisible Nora, prenant parti pour son père et sa sœur, mais d'un ton si tranquille, si peu résolu, qu'il eût fallu, pour deviner ce qui se cachait sous cette apparence timide, une perspicacité de premier ordre. Merci, ma chère, dit avec bonté Mr. Vanstone, merci de ce joli plaidoyer. Quant à Magdalène, continua-t-il, s'adressant à sa femme et à Miss Garth. « C'est une pouliche pas encore dressée. Laissez-la s'en donner à cœur joie, en fait de cabrioles et de ruades inoffensives. Il sera temps de l'habituer au harnais, quand elle aura pris quelques années de plus. » La porte livra passage à Magdalène qui rentrait avec la clé. Elle ouvrit le sac aux lettres déposé sur le buffet et en vida pêle-mêle le contenu. En moins d'une minute, elle avait trié les lettres et s'approchait de la table, les deux mains pleines. Elle fit sa distribution tout aussi lestement qu'un facteur de Londres et avec la même exactitude affairée. « Deux pour Nora, » proclama-t-elle, commençant par sa sœur. « Trois pour Miss Garth, rien pour maman. Une pour moi. Les six dernières toutes pour papa. Vilain paresseux, vous n'aimez pas à répondre, n'est-il pas vrai ?» poursuivit Magdalène, quittant le rôle de facteur pour reprendre celui d'enfant gâté. « Comme vous allez grogner, pester dans votre cabinet, maudire les lettres, anathémiser la poste, et comme votre vieux front chaud va rougir tout en haut pendant que vous vous impatienterez à barbouiller vos réponses. Et combien de réponses, en somme, vous finirez par remettre au lendemain ?»« Le théâtre de Bristol vient de s'ouvrir, » murmura-t-elle tout à coup à l'oreille de son père. « Je l'ai lu dans le journal quand je suis allé à la bibliothèque chercher cette clé. Si nous y allions demain soir ?» Pendant que sa fille bavardait ainsi, Mr. Vanstone classait machinalement son courrier. Il posa de côté les quatre premières lettres, l'une après l'autre, sans leur accorder grande attention, l'adresse une fois lue. Quand il en vient à la cinquième, au contraire, son regard distrait se fixa soudainement sur le timbre qui en marquait la provenance. Penchée sur son épaule, Magdalène put déchiffrer ce timbre tout aussi bien que lui. « Nouvelle-Orléans. »« Une lettre d'Amérique ? » dit-elle. « Qui donc connaissez-vous à la Nouvelle-Orléans ? » Mrs. Vanstone tressaillit dès que Magdalène eut articulé ces paroles et jeta sur son mari un regard où se peignait l'anxiété la plus vive. Mr. Vanstone ne répondit rien. Il écarta doucement de son cou le bras de sa fille, comme pour se débarrasser d'une légère importunité. Magdalène alla se rasseoir à sa place. Son père, tenant toujours la lettre, attendit quelques instants avant de l'ouvrir, et durant ces quelques secondes, sa femme le suivit du même regard anxieux qui avait déjà éveillé l'attention de Miss Garth et de Nora, comme celle de Magdalen. Après avoir hésité une minute ou deux, Mr. Vanstone ouvrit la lettre. Son visage, dès qu'il eut parcouru les premières lignes, changea de couleur. Ses joues prirent une teinte uniformément blême, qui, chez un homme de moins riche tempérament, fut devenue une sorte de pâleur cadavéreuse, et sa physionomie exprima rapidement une sombre tristesse. Nora et Magdalen, qui l'animaient avec inquiétude, ne virent que l'altération du visage de leur père. Miss Garth, seule, observa l'effet que ce changement produisit sur la maîtresse de maison, toujours attentive. Ce n'était point l'effet qu'elle, ni personne au reste, eût prévu naturellement. Mrs. Vanstone semblait agitée plutôt qu'alarmée. Une faible rougeur lui vint aux joues. Ses yeux brillaient. Elle remua le thé dont sa tasse était pleine, avec une impatience tout à fait extraordinaire chez elle. Magdalen, à sa manière d'enfant gâté, fut, comme toujours, la première à rompre le silence. « De quoi s'agit-il, père ? » demanda-t-elle. « De rien, » répondit brusquement Mr. Vanstone, sans lever les yeux. « De quelque chose, au contraire, et j'en suis bien sûr, » reprit Magdalen en insistant. « Je suis sûr qu'il y a de mauvaises nouvelles dans cette lettre d'Amérique. »« Il n'y a rien qui vous regarde, » répliqua Mr. Vanstone. C'était la première fois que Magdalen se voyait ainsi rudoyée par son père. Elle lui jeta un regard de surprise et d'incrédulité qui eût été parfaitement amusant en de moins graves circonstances. On n'échangea plus une parole. Pour la première fois de leur vie peut-être, les membres de la famille restèrent assis autour de la table dans un silence pesant. Le robuste appétit qu'apportait Mr. Vanstone à son repas matinal s'en était allé avec sa gaieté. Il écrasa entre ses doigts distraits quelques fragments de rôti pris sur la grille placée devant lui, acheva sans y prendre garde sa première tasse de thé, puis en demanda une seconde qu'il laissa devant lui sans y toucher. « Nora, » dit-il après une pause, « je vous dispense de m'attendre. Magdalen, ma chère, vous pouvez sortir de table quand il vous plaira. » Ses filles se levèrent immédiatement, et Miss Garth comprit qu'elles devaient suivre leur exemple. Quand un homme d'humeur toujours égale réclame tout à coup ses privilèges de chef de famille, pareille démonstration produit d'autant plus d'effet qu'elle est rare, et la volonté de cet homme doux et affable prend aussitôt force de loi. « Que peut-il donc être arrivé ?» dit à voix basse Nora, tandis que, laissant se refermer la porte de la salle à manger, elle traversait le vestibule. « Pourquoi donc papa m'a-t-il grondé ?» s'écria Magdalen, en qui bouillonnait encore le ressentiment de l'injustice subie. Pourrait-on vous demander de quel droit vous venez mettre le nez dans les affaires particulières de votre père ? Répliqua aussitôt Miss Garth. De quel droit ? Répéta Magdalen. Je n'ai point de secret pour mon père. Mon père doit-il donc en avoir pour moi ? Je regarde ceci comme une insulte. Si vous regardiez ceci comme une juste réprimande de votre indiscrétion, dit Miss Garth, qui gardait toujours son franc-parler, vous seriez à coup sûr bien plus près de la vérité. Ah, vous voilà bien comme les jeunes personnes de notre époque. Pas une sur cent qui sache distinguer ses pieds de sa tête. Les trois ladies entrèrent ensemble dans le petit salon, et Magdalen accusa réception des reproches que Miss Garth venait de lui adresser en poussant la porte avec impatience. Une demi-heure s'écoula sans que Mr. Vanstone ou sa femme sortissent de la salle à manger. Le domestique, ignorant tout ce qui s'était passé, vint pour enlever le couvert. Il trouva son maître et sa maîtresse assis à côté l'un de l'autre, plongés dans une consultation qui semblait très grave, et se hâta de s'éloigner. Au bout d'un quart d'heure seulement, la porte de la salle à manger s'ouvrit, et la conférence des deux époux parut avoir pris fin. « J'entends maman dans le vestibule, » dit Nora. « Peut-être vient-elle nous apprendre quelque chose ?» À ce moment même, Mrs. Vanstone entra dans le petit salon. Ses joues étaient plus colorées que d'habitude, et on voyait briller dans ses yeux des larmes à peine séchées. Sa démarche était plus rapide, ses mouvements étaient plus hâtés qu'à l'ordinaire. « Je vous apporte des nouvelles qui vont vous étonner, » dit-elle à ses filles. « Votre père et moi, nous partons pour Londres demain matin. » Magdalen, muette de surprise, saisit le bras de sa mère. Miss Garth laissa tomber son ouvrage sur ses genoux. La paisible Nora elle-même se leva brusquement et, tout abasourdie, répéta « Vous allez à Londres ?»« Sans nous ?» ajouta Magdalen. « « Votre père et moi, nous partons seuls, » reprit Mrs. Vanstone. « Sans doute pour 3 semaines. »« Certainement, pas davantage. »« Nous partons... » Ici, elle hésita. « Nous partons pour régler une importante affaire de famille. »« Laissez mon bras, Magdalene. »« C'est une nécessité imprévue. »« J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. »« Beaucoup de choses à mettre en ordre d'ici à demain. »« Laissez-moi donc aller, cher enfant. » Elle dégagea son bras, posa rapidement un baiser sur le front de sa fille cadette et sortit immédiatement du salon. Magdalene elle-même voyait bien qu'aucune câlinerie ne déciderait sa mère à écouter la moindre question, et bien moins encore à y répondre. La matinée s'écoula sans qu'on revît Mr. Vanstone. Avec la curiosité effrénée de son âge et de son caractère, Magdalene tenta, malgré la défense formelle de Miss Garth et les remontrances de sa sœur aînée, d'aller jusque dans le cabinet de son père s'assurer s'il y était encore. Quand elle essaya d'ouvrir la porte, elle constata que le verrou intérieur avait été poussé. « Ce n'est que moi, » dit-elle d'une voix douce, en attendant la réponse. « Je suis occupée, ma fille, » lui répondit-on. « Ne me dérangez pas. » Mrs. Vanstone, quant à elle, était également inaccessible. Elle resta dans son appartement, entourée de ses domestiques, et absorbée dans les interminables préparatifs du prochain départ. Les domestiques, peu familiarisés dans cette heureuse maison avec les résolutions soudaines et les ordres imprévus, se montraient dans leur docilité empressée, gauche et désordonnée. Ils couraient sans nécessité d'une pièce à l'autre et perdaient un temps infini à se gêner sur les escaliers. Un étranger, entrant à ce moment dans la maison, eût pu croire à quelque malheur soudain plutôt qu'à un voyage préparé à l'improviste. Rien ne marchait suivant la routine accoutumée. Magdalene, qui d'ordinaire passait la matinée au piano, errait comme une âme en peine dans les escaliers et les couloirs, ou bien rentrait et sortait, selon les intervalles de mauvais temps et d'éclaircie. Nora, dont la passion pour la lecture était proverbiale, prenait volume après volume sur les rayons et les tables pour les y déposer presque aussitôt, désespérant de fixer son attention sur aucun d'eux. Miss Garth elle-même se sentait envahie par cette désorganisation contagieuse et demeurait assise au coin du feu, dans le salon, secouant la tente de temps à autre par un mouvement prophétique et sans toucher à son ouvrage posé près d'elle. « Des affaires de famille, » pensait-elle, ruminant les vagues explications données par Mrs. Vanstone. « Depuis 12 ans que je vis à Combraven, voici la première fois qu'entre les parents et leurs enfants il est question de ces sortes d'affaires. Que signifie ceci ? Allons-nous avoir du nouveau ? Hélas, je me fais vieille, et je n'aime pas la nouveauté. »